passe toute une vallée, on fait assombrer, passe toute une vallée, et mère on l'a pris, à de la faute d'un bourgeois, la justice impénale, volontiers sacrée, comme il l'a eu scapé, même par l'église, le rêve pour sa vie. Pour la cour de sa vie, prends sa médaille, je vais en